7 et 8. Leçon 4, page 99. Jean Poiret, Joyeuse Pâques. Ma femme, c'est ma femme, ce n'est pas possible. C'était donc ça? C'est l'ascenseur de ma femme, je vous dis. C'est sa façon de monter en ascenseur. C'est la panique. Il allume toutes les lampes, ouvre grand les rideaux, les fenêtres, sépare les verres, retape les coussins. On illumine pour le retour de l'épouse? C'est délicat. Je le savais, je n'aurais pas dû. Ah, vous! Et la porte de service est fermée à clé. Il remet de l'ordre dans sa tenue, l'œil à tout, mettant de l'ordre partout. Reboutonnez. Quoi? La chemise. Encore. Jusqu'en haut. Elle ne ferme pas jusqu'en haut. Je m'en fous. Mettez une épingle. L'ascenseur s'est arrêté à l'étage. Dans les secondes qui suivent, on peut apercevoir, si on ne le perçoit pas, l'homme, lui, fait comprendre qu'il le perçoit, le bruit d'une clé qu'on introduit dans une serrure. C'est elle. Vous qui n'aimez pas les situations conventionnelles, vous êtes servi. Vous vous mettez là et vous vous taisez. On n'est pas couché. Il fait asseoir la fille sur un fauteuil, évitant ostensiblement le sofa, puis il va s'asseoir lui-même sur un autre fauteuil, éloigné de celui de la fille, d'un ton volontairement neutre. N'est-ce pas? Nous entrons dans une ère de récession économique qui obligera, paradoxalement, les nations industriellement avancées à mener une politique extérieure ultra-capitaliste et une politique intérieure radicalement socialiste. J'en ai peur. Exemple, la Suède. Pendant ce court échange, arrivée de Sophie, son épouse, l'agréable quarantaine en tenue de sport. Stéphane, n'ennuie pas mademoiselle avec tes cours d'économie politique. Comment? C'est toi? La fille regarde Sophie dans l'attente de l'événement. Mais c'est Versailles. Que je te dise. Tu vas faire sauter les plombs. Elle va éteindre quelques points lumineux. Tu connais mon horreur de la pénombre. Le plus difficile dans mon cas, voyez-vous, mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessin humoristique. Évidemment, ce sont toujours des situations bêtes. Oui, disons-le franchement. Parce que on s'imagine fatalement des choses. Ben oui. Alors, naturellement... Oui, naturellement. On se trouve en porte-à-faux. Vous souhaitez que je participe au dialogue ou non? Non, si cela ne vous fait rien, mademoiselle, j'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Comme vous voulez. Il n'est pas dans une position facile, reconnaissez-le. Ben non. Car enfin, je vous fais juge, une dame qu'on met dans l'avion à 20h, qui revient à l'improviste à 1h du matin, et qui trouve son mari avec une jeune femme charmante. Tu n'es donc pas partie. Voilà un exemple de mauvaise réaction. À votre avis, est-il utile de poser cette question? Ça se discute. Je tiens à te confirmer moi-même, Stéphane. Tu me croiras, ou tu ne me croiras pas, que je ne suis pas partie.